Ce que je vois davantage aujourd'hui, c'est encore un flamboiement de ce que j'ai beaucoup appelé dans mes livres une humanité assise. David Le Breton, il est sociologue et anthropologue spécialiste du corps. Cette humanité majoritaire aujourd'hui, de gens qui se lèvent le matin pour s'asseoir derrière le volant de leur voiture, qui vont s'installer derrière leur écran dans leur bureau et qui le soir viennent, regardent leur télévision. Et donc là, on a l'impression que c'est une humanité pour laquelle le corps est devenu presque superflu. Le corps n'est plus qu'un instrument utilitaire qui permet de se déplacer, de se mouvoir, de pianoter sur son ordi ou son portable, ou de conduire sa voiture, mais on a l'impression qu'il ne sert pas à grand-chose d'autre. Marie-Ève Rouleau, psychologue au CIUSSS. Quand on traverse une période de grand stress, on a tendance plutôt à être beaucoup dans l'action ou encore beaucoup dans sa tête, puis on se coupe de signaux super importants que notre corps nous envoie pour prendre soin de nous. Je vous inviterais d'ailleurs, en ce moment, puisque vous êtes là avec moi, à vous arrêter puis à vous demander, bien, votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit en ce moment? Vous avez probablement des tensions musculaires, peut-être de la fatigue, vous avez peut-être faim, des difficultés digestives, peu importe. Tous ces signaux-là sont là pour vous informer, en fait, pour vous dire, bien, prenez soin de vous.